Cette semaine, on parle du World Press Photo 2017, du Fujifilm GFX 50S, de nouveaux appareils Canon et les selfies n'ont pas dit leur dernier mot. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 103. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Christian Jarry. Salut Stéphane. De François Blanchette. Hello. Et on a un invité, Patrick Larocque. Salut, salut. Salut. Patrick est photographe et plus tard dans l'épisode, je vais vous parler du Fujifilm GFX 50S. Et c'est en allant voir ce fameux Fujifilm que j'ai rencontré Patrick. Et puis, je ne sais pas si tu veux nous... Qui était là, qui errait dans le meet and greet. Et qui figurait dans une vidéo de Fuji, d'ailleurs, parce que ouais, Patrick est ambassadeur Fujifilm. Ah, ouais. Chanceux. Ouais. Je ne sais pas si tu veux nous expliquer un peu ce que tu fais. C'est quoi ton rôle, justement? Ah, le rôle au niveau de Fuji, c'est... Mm-hmm. C'est... Il n'y a pas de... Tu sais, ce n'est pas un contrat que tu signes avec Fuji, puis je ne suis pas tout seul, d'ailleurs. Être, mm-hmm. On est pas mal d'ambassadeurs. Ouais. Je suis allé au tout début, ce qui est le fun, parce que je connais la gang très, très bien. Essentiellement, c'est du give and take. Tu as accès à des prototypes, ce qui mm-hmm. est super le fun. Mais, tu peux donner ton feedback. C'est assez impressionnant de voir des choses que tu as recommandées qui apparaissent dans les appareils éventuellement. Mm-hmm. Puis ouais. Ça arrive. Ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé à des amis que j'ai. Donc, c'est une espèce de relation comme semi-professionnelle que tu as avec Fuji. Mm-hmm. Il n'y a pas de downside beaucoup, honnêtement. C'est trippant. On aime comme, ça, ces ouais, affaires-là. Non, mais tu es photographe dans la vie, ok, professionnel. Ok, bon. Fait qu'il y a quand même un ambassadeur qui n'est pas ambassadeur pour le fun. Mm-hmm. Ils t'ont choisi pour une bonne raison, parce que tu es professionnel. Oui. Pas n'importe qui devient ambassadeur. Là. Non. Mm-hmm. Ben, ça fait combien de temps que tu es photographe, justement, professionnel? Ça fait. Et moi, c'est une troisième carrière. Okay. J'ai travaillé en télévision longtemps. J'ai été musicien. J'ai fait de la musique pour la télé aussi. Puis, okay. Donc, ça fait à peu près 10 ans là, que j'ai fait le switch à la photographie de façon professionnelle. Okay. Avant, c'était. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, justement, à faire de la photo? En fais-tu depuis que tu es tout petit ou c'est venu aussi sur le tard? J'en fais. C'est un peu étrange. J'en ai toujours fait un peu. Mon père faisait de la photo. C'était un homme d'affaires. C'était pas du tout un artiste, mais c'était comme son histoire. Mm-hmm. Et donc, j'ai grandi avec ça. Il y avait un Yashica Electro 35. Okay. On a eu ça toute notre enfance. J'ai fait de la photo au cégep. T'sais, une session comme bien du monde. Mais je suis revenu avec le numérique. Mm-hmm. Et, comme bien du monde. Comme bien du monde. Parce que je trouvais ça... moi, j'ai étudié en cinéma, mais j'ai jamais fait de film. Parce que je trouvais ça trop compliqué puis trop long. Mm-hmm. La photo, c'est un peu la même chose mm-hmm. avec le film. Oui. C'est que c'était pas immédiat. Comme ouais. C'est un art qui demandait des étapes puis qui avait un délai dans le temps. Mm-hmm. Le numérique, évidemment, a enlevé ça. Mon premier appareil, c'était un Epson. Ah oui. Un Epson. Qui avait fait des appareils. Ben, c'est ça. Ouais. C'est peut-être mieux de l'oublier aussi, j'imagine. Moi, je suis trippé bien raide. Ah ouais? Ouais. Tu te rappelles-tu du modèle, par curiosité? Je me souviens pas du modèle. En quelle année? Je sais qu'ils ont sorti. Ah, fin 90, début 2000? Ça doit être début 2000. C'est pas mal. Non, c'est plus fin 90, ouais, je dirais. Ok. Ouais, ouais, sûrement. Après ça, j'ai eu un Olympus. Pas un C4000. Quelque chose. Je pense un effet d'argent. Okay. Mais le Epson, non, c'était genre 1,2 mégapixels. Ouais. C'était vraiment... Le gros luxe. C'était le gros luxe. Ouais. Et étrangement, Epson ont sorti un rangefinder à l'époque que je n'ai pas eu. Mais ça a été les premiers à faire, puis c'est surprenant, tu vois, si les gens veulent faire un search, là, ça ressemble un peu à un Fuji. C'est assez particulier, ouais, si tu le cherches. Là, mm-hmm. Tu vois, c'est... Puis il y avait... Tu rewindais. OK. OK. C'est un numérique. OK. Mais tu avais un faux rewind. Fallait que tu avances ton film numérique, autrement dit. OK, pour le faire le pont... Ouais, exactement. Tu l'as, c'est ça. Ouais, okay. Comment ça, c'est RD1, c'est ça? Mm-hmm. Ouais. OK. Hey, il serait beau aujourd'hui, cet appareil-là. Il ressemble un peu à celui-là, justement. Ou Expro 2, un peu plus. Là, mais c'est le même genre de... Ouais. Wow. Donc, bref, je suis revenu avec le numérique. Et tranquillement, pas vite, ça a fait son chemin. Je sais pas exactement quand est-ce que ça s'est passé, mais à un moment donné, c'est devenu comme une passion qui était... dévorante. Ouais, ouais, ouais. Je me suis mis à en manger, puis j'ai fait le saut à un moment donné, de façon complètement stupide, sans vraiment... Ben, la continuité... Mais fingante, c'est ça. T'as toujours été du côté artistique, ouais, fait que c'est comme une continuité dans le fond. Il faut créer, travailler avec la lumière, les cadres, c'est de la création. Absolument. Tu crées une image finalement. Ouais. Là, ouais, en passant, François est caméraman. Fait qu'il, il peut très bien. Et voilà. Moi, je vois très bien de pourquoi que le saut s'est fait. C'est ça. Non, il y a une logique, il y a vraiment une logique. Ben, ouais, ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à Fuji? Le X100. Donc, au tout début. Je shootais du Nikon à cette époque-là, puis je cherchais, on s'en allait en France avec ma blonde, on s'en allait faire un voyage en France, puis je voulais un appareil plus petit. Plus compact. Ouais. Puis Fuji avait annoncé le X100 à Photokina, juste le voir. On avait été les premiers qui l'avaient eu, nous autres. On avait été assez vite à le voir, nous autres. Ouais. Moi aussi, j'étais tombé en amour bien raide avec. Donc, je l'ai acheté, en fait, la semaine qui est sortie au Canada. Okay. Puis j'ai été chanceux. Je l'ai eu chez L'Art Photo. Hein. J'étais supposé l'avoir à Montréal. Il l'avait pas. En tout cas, une espèce de d'histoire. J'ai même, c'est un démo que j'ai eu. Mais le démo venait d'arriver. C'était supposé être un appareil qui allait... Tu sais, c'était supposé être un appareil pour le fun. Hein. Mm-hmm. C'était pas du tout... Mm-hmm. Sauf que je me suis rendu compte que dans l'année qui a suivi, tu sais, mon Nikon, il servait pour travailler. Tout le reste du temps, j'étais tout le temps avec le X. Hein. Quand ils ont sorti le X Pro 1, au départ, j'étais pas vraiment intéressé parce que dans ma tête, ça restait, le X restait comme un sideline et le Nikon était le vrai kit. Mm-hmm. Comme beaucoup de monde. Comme bien du monde. Ouais. Et finalement, je me suis mis à regarder, il y avait sorti, c'est en même temps que le Nikon a annoncé le D800. OK. Qui était le successeur au D700. Donc, c'était un autre registre. Ils ont fait un drôle de move à cette époque-là. Puis j'étais dû pour upgrader. Fait que je me suis mis à regarder. Le D800, je me disais, c'est pas exactement. Puis la bracket de prix avait changé. Mm-hmm. Je dis ça maintenant que j'ai acheté le GFX. Ça, oui, c'est ça. Ben, une autre époque. Ouais. Mais donc c'est ça. Fait que j'ai regardé le Expo 1. Je me suis mis à télécharger des fichiers RAW qui étaient distribués, des choses comme ça. Puis j'ai fait le saut. Mm. Et c'est ça, c'est depuis ce temps-là que je me suis mis à travailler avec le X Pro 1 et le X100 en deux. Il n'y a pas grand lentille au début, j'ai acheté la 35, je me suis débrouillé avec ce kit-là. Mais j'ai connu ça moi aussi, parce que moi je suis sauté sur le Sony A7 quand il est sorti, puis il n'y avait pas beaucoup d'objectifs, qu'il y en avait deux ou trois, puis il y avait le 24-70, puis il y en avait un ou deux autres. Ouais. C'est le fun par exemple, parce que là tu as un nouvel objectif qui s'en vient, puis... Tu l'attends de façon progressivement, puis tu l'attends, l'objectif. Puis tu as le temps d'utiliser ce que tu as. Exactement. Parce que si tu pars, tu t'achètes 3-4 objectifs, tu ne vas pas les utiliser vraiment à leur maximum. Non, puis le fait que Fuji, au départ, ait sorti 3 prime, ça aussi, ça change la donne. Oui. Mm-hmm. Oui. S'il avait sorti un 24-70 équivalent, ça aurait été autre chose. Mm-hmm. Tu fais. Mais là, ça a forcé une réévaluation du travail. Tu ne shootais pas de la même façon. Non. Pis c'est ça qui a été important. Pour moi, ça a été super important. Mm-hmm. Ça a vraiment changé bien les choses. OK. Ouais. Cool. Comment les gens de Fuji t'ont approché ou est-ce que c'est toi qui les as approchés? Comment ça s'est passé? C'est un peu drôle parce que il y avait commencé le programme Ex-Photographers et à un moment donné, je me suis dit, coudonc, je devrais peut-être leur envoyer un courriel ou quelque chose. Et j'étais en train de taper un texte, OK? De penser à un texte à envoyer en me disant, ben, écoute, je vais me présenter, puis on verra, tu sais. J'ai un courriel qui rentre. De Fujifilm. Puis là, je fais, attends un peu, quoi. C'est une niaise. J'ai comme pas envoyé encore. Et ça fait que c'est eux autres qui m'ont contacté. OK. Wow. Fait qu'ils ont vu ton travail en quelque part. Ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Écoute, c'est sur mon blog, essentiellement, qu'ils ont vu mon travail. Okay. Je fais toutes sortes de choses. Je fais, je fais et du commercial, et du documentaire, et du documercial, et du portrait, whatever. OK. Mais non, c'est vraiment par le... C'est assez extraordinaire. Comme, ouais, c'est vraiment cool. C'était un peu drôle. Je pense que j'ai jamais compté ça. Ah, bon. Fait que c'est un exclusivité. Ouais. En même temps, eux autres, c'est à leur avantage de trouver quelqu'un qui aime leurs produits puis qui les utilise bien. Fait que, pour eux autres, c'est winner. Là. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Là. Mais ils ont fait un move qui est très, très intelligent. Quand tu regardes la communauté qu'ils ont créée à l'échelle internationale, ben, c'est pas juste... même si le programme n'est pas vraiment défini, chaque pays a sa façon de fonctionner. Ouais, c'est ça. Mais ils ont créé une communauté, puis une communauté de gens créatifs. C'est hallucinant. Là, ouais. Je me suis retrouvé dans des événements un peu partout. J'étais à Tokyo l'année passée. Je suis allé à Photokina pour Photolife, parce que je travaille avec eux autres aussi, le magazine. Mais tu retrouves tout le monde. Même personne. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et même personne, puis des gens qui se rajoutent aussi. Puis, mais c'est toujours, c'est super enrichissant. Là, mm. Et ce qu'ils ont fait, je veux dire, un, c'est un peu le, comment t'appelles ça, là, le Halo Effect. Là. Quand tu parles de l'effet du iPhone à l'époque, que ouais. L'iPhone allait faire oui, que les gens oui. Achetaient des Macs. Bon, oui, oui, oui. L'effet Halo, tu sais que... Ouais, de rayonnement. De rayonnement, vrai, exactement. Ouais. Donc, ça a cet effet-là. Parce que c'est du bouche à oreille, c'est du. Mais en plus, ils sont donné un pool de ressources au niveau du feedback. Mm-hmm. Ben oui. Qui est hallucinant. Ça, c'est brillant. C'est vraiment brillant. C'est plein de monde sur le terrain. C'est ça, c'est pas juste les ingénieurs qui testent leurs produits qu'ils connaissent déjà. Non. C'est quelqu'un qui va arriver avec des idées différentes puis une utilisation sur le terrain différente. Et ils nous le demandent. Tu sais, En Allemagne, j'étais assis avec les... Puis à Tokyo, j'étais assis avec les ingénieurs. J'ai trippé avec le... Wow, avec c'est cool. Ouais. Avec celui qui a designé tous ces appareils-là. Ouais, ouais. Puis là, tu jases. Puis tu fais comme, ah ouais, telle affaire, peut-être que... Ah ouais. Puis ils prennent des notes. Puis c'est hallucinant. Ah ouais, c'est là, vraiment, c'est hyper ouvert. Pour le bénéfice de nos auditeurs là, qui trippent vraiment sur ce que tu es en train de raconter, est-ce que c'est Fuji qui t'invite à leurs événements? Est-ce que c'est toi qui vas de ton propre chef, qui paye ton billet? Tu mentionnais Tokyo. Tokyo, c'est moi. En fait, j'avais été dans le. En fait, toute une affaire avec le. Ils ont fait la même chose avec le XT2, là, mais avec le X-Pro 2, il y a eu une exposition. Ben, c'était le 5e anniversaire de la série X. Mm-hmm. Fait qu'ils ont fait un événement spécial. Donc, j'avais deux photos dans l'exposition là-bas. Et je me suis arrangé pour y aller. OK, ouais. Non, essentiellement, j'ai été faire deux reportages pour Photolife autour de l'événement. Et c'est fait que. C'est ça. Okay. Ouais, t'en as profité, t'as bien géré tes affaires. Ouais, c'est intelligent. Exactement. Ouais. Puis, mais ils te reçoivent super bien. Puis, tout est. Non, non, c'est. C'est un beau trip. Je me trouve super chanceux. Ben oui, là, écoute, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment intéressant d'entendre justement comment ça se passe. Puis tout ça, là, ce programme-là. Puis, excellent. Ben, bienvenue sur l'émission. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Bon, on va tomber un peu dans le moins glamour, là. On va parler de... Oui. qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis le dernier épisode, comme on fait justement à chaque épisode? Christian, t'as fait quoi de ton côté? Ben moi, je parle à Tokyo, en tout cas. Non. Ça, c'est une chose qui est sûre. Un peu moins loin. Un petit peu moins loin, oui. Non, ben c'est ça, ben c'était ma fête il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Puis pour ça, ben ma blonde et moi, on s'était payé une petite fin de semaine dans un chalet. Alors, ben, j'en ai profité pour prendre un petit peu de photos. Oh, attention! Non. Est-ce qu'on doit donner un avertissement en maintenant? En forêt. Non, des en photos. Oui, encore plus. En forêt, oui, non, je suis pas sûr que tu viens de... Non, il y avait de la neige. Je te rassure tout de suite, c'était pas dis-moi qu'il y avait des vêtements. Bien sûr. OK, c'est ça, je voulais entendre. Oui. Non, on est allé prendre une petite... OK, on peut on n'avait pas d'enfant. Okay. Il y avait des vêtements, mais dis pas combien de temps. Ben, le soir, peut-être moins, mais le matin, l'après-midi, oui. Fait que bref, en tout cas, non, on a profité du fait qu'on n'avait pas les enfants pour aller prendre une grande randonnée. Je pense qu'on a fait 5 km à peu près dans le bois. Mm-hmm. Puis j'en ai profité pour prendre un peu de photos, tant qu'à faire. Ben, tu sais, ma blonde, ça ne dérange pas d'arrêter, contrairement aux enfants qui, eux autres, sont toujours sur le va-vite. Et rapido, on est dans toutes les directions. Ma blonde, attends 2 minutes, ça ne dérange pas. Fait que j'ai pris un peu de photos de ce côté-là. Mm-hmm. C'était plaisant, ça faisait longtemps là, que j'avais pas pu y aller plus à mon rythme, fait que j'en ai profité. C'est bien. Ouais, ça va vite des fois, la vie de famille. Là, tu sais. exact. Ouais. Un petit peu. François, toi, de ton côté? Définitivement moins glamour aussi que Patrick, de mon côté. Quoique, des fois, j'ai des belles expériences, mais cette fois-ci, c'était pas tellement super. J'ai travaillé pour une émission qui s'appelle 911. Mm-hmm. On couvre des pompiers, des ambulanciers qui font des interventions. Puis, je me suis retrouvé à Laval, juste en dessous du pont Vio, après un appel... là, j'étais avec les pompiers, ce coup-là, on saute dans le saut, on arrive là, puis il y a un gars qui est sur le pont, le call, c'est qu'il y a un gars qui veut se pitcher en bas. Okay. Ça fait pas 5 minutes que je suis arrivé. Je suis cadré dessus, j'attends au cas qu'il tombe, puis il décide qu'il se pitche. Fait que, il y avait quand même des pompiers avec un Zodiac qui l'attendait dans l'eau. Ils connaissaient le scénario par cœur, eux autres, ils savaient exactement où se placer à cause du courant. Ils savaient que le gars serait dans l'eau 5 secondes, puis qu'il le ramasserait tout de suite. Fait que c'est ça. C'est la première fois que j'assiste à une scène assez dramatique comme ça. On l'a vu toute une fois ou deux là, sur Internet, quelqu'un qui... Bon, mais là... Mais en personne, c'est une histoire. Puis, ouais. Petit boost d'adrénaline. Ah oui, je vais te dire, j'ai beaucoup parlé après ça avec des gens autour de moi. C'est drôle, on ressent une espèce de besoin de partager ce qu'on a vécu. Ouais. Même si tout le monde était là, c'est curieux. J'ai parlé avec des capitaines de pompiers autour qui me racontaient que ce gars-là, c'était la deuxième fois en trois jours qu'il se lançait. Tu fais comme OK. C'est, fait que ça a été des images que j'ai faites dernièrement. OK. Bon, ben excellent. De mon côté, moi, j'étais allé au lancement d'un téléphone, le ZTE Axon 7 Mini, dont je vous parlerai au prochain épisode. Puis après cette présentation-là, que j'étais avec Pascal Forget, qu'on salue, et Pascal qui est venu deux fois à l'émission. Puis après ça, ben, on mangeait une bouchée, puis François, il s'est joint à nous. Puis après ça, il me dit, ben, si ça te tente, on pourrait aller, tu pourrais venir prendre des photos sur le plateau de l'émission en mode salvaille. Cool. J'ai suivi François, puis je suis allé faire des photos de plateau, finalement. Mais ouais, bon, sont belles. Moi, là, mais, ils sont super belles, franchement. Merci beaucoup. Puis c'est ça. Ben, j'avais juste... je pense que j'avais juste mon 50 mm, c'est vrai, en plus. Fait que fallait que je me déplace sur le plateau pour faire mes photos. Mm-hmm. Mais bon, non, c'était vraiment intéressant. Puis, pas longtemps après, justement, je suis allé voir la présentation du Fujifilm GFX 50S et c'est là que j'ai rencontré Patrick. Tiens, ouais, puis et c'est vraiment impressionnant comme appareil, sérieusement. Là, ben, j'aimerais ça si tu pouvais en parler un petit peu parce que, bon, premièrement... C'est j'ai eu très peu de temps avec. OK. J'ai eu une coupe d'heure. Je suis chanceux quand même parce que j'ai eu... J'étais supposé aller shooter à Montréal avec, avec Francis Bellefeuille, le gars de Fujifilm. Et mon auto partait pas le matin. Quel bon temps. Il y a une lumière qui était restée allumée, puis la batterie était à terre. Il faisait moins 40 000 et demi. Donc, ça s'est passé. Il est venu chez nous. J'ai un studio chez moi. Fait qu'on a fait ça avec une couple d'heures avec. Je veux dire, c'est hallucinant. La réaction, surtout avec le 50 mm, je l'avais vu à Photokina. Je l'avais tenu pendant à peu près 0,5 secondes à Photokina. Ouais, il devait faire beaucoup de mains, disons. Il faisait beaucoup de mains. Mais tout le monde avait la même réaction. C'est que tu le prends, tu fais comme... Tu sais, quand tu prends quelque chose... Tu penses que ça va être pesant? Ouais, Tiens, bon, mais c'est ça. Ça a été aussi ma réaction. Il est vraiment léger. C'est complètement fou. Étonnant. Il est quoi? Il est léger? C'est il est léger. Mais tu sais, c'est gros comme un Canon. Ouais, ça doit être genre l'équivalent d'un 7D avec la battery grip, là, mais c'est parce que je sais que les médiums formats, en général, sont beaucoup plus gros. Même pas avec la battery. Non, même pas? Non, même pas. Ça pèse rien, finalement. Ouais. Puis... Parce que pour un médium format, comme je disais, moi j'en ai vu des photos, je n'ai pas tenu, mais tu regardes ça, tu te dis tabarnouche. C'est toujours trépied, là. Tu peux pas avoir ça longtemps dans les mains. Là, non, et c'est lent. Et c'est tu sais, j'ai des amis qui shootent avec du phase. Ils haïssent ça pour mourir. Ils capotent ses résultats. Ouais, c'est ça. Ça, tu t'en sors pas. Mais l'appareil lui-même, c'est pas le fun. Là, au niveau de l'ISO, c'est comme ISO 800. Gros max. Ça prend des flashs, ça prend... C'est vraiment une machine qui est... puis ça coûte 40 000 piastres. C'est ça. Mais c'est pas le cas du GFX. C'est ça qui est assez impressionnant. T'sais, c'est le même sensor que le Pentax S45Z. Par contre, il est modifié. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je sais qu'ils ont modifié. En fait, il y a eu un article qui est sorti récemment qui est assez intéressant. Ils ont modifié vraiment au niveau du capteur. Comment ils ont changé... Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils ont l'angle, fait. Pour que la lumière arrive vraiment flush sur chaque photosite. Hein. OK. Parce que normalement, t'as du bleed. Tes photosites sont là, puis t'as de la lumière qui passe un peu à côté, puis t'en as qui s'en va sur mes temps. Et c'est ça qui fait que t'as moins de sharpness. Donc, ils ont changé le coating de ça pour que les faisceaux lumineux arrivent, bang, bang, bang, tu sais, chacun sur la cible. Puis en tout cas, bref, ils sont assez capotés. Mais le hic avec ça, c'est moi, c'est un move d'affaires d'acheter le GFX. Oui. Je vais pas shooter du street. Je vais probablement le faire pour le trip. Mais je vais pas me mettre à shooter avec ça. À tous les jours. À tous les jours. Je vais pas, tu sais, non, c'est sûr que c'est pas ça. Mais tu sais, je m'installe devant mon écran 5K, puis il y a deux photos que j'ai prises de Francis, il a fait mon modèle dans le... Et, tu sais, sur un écran, j'ai jamais été un pixel peeper. Je ne trippe pas à regarder des pixels. Ouais, tu n'as pas besoin de zoomer là, pour vérifier si c'est clean, si c'est. Non, mais là, je zoome. Là, je zoome, je suis comme. Come on. Ok, ouais. Il y a toujours du détail, il y a toujours quelque c'est chose. C'est complètement fou. Ouais. Puis c'est pas juste. C'est combien de mégapixels, ça, là? C'est 51. Mais c'est pas tant. C'est pas. Ouais. C'est quand même du méga. Ouais. Ouais, ouais. Mais. C'est surtout au niveau de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la grosseur, c'est le look qui est différent. Oui, le rendu. Ben, Fuji, le rendu. Je trouve, avoir essayé bien des Fuji, là, moi, c'est ça qui me séduit à chaque fois. Il y a quelque chose de particulier, comme à la photo, à ressort avec Fuji. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Le noir et blanc particulièrement, moi, je trouve ressort super bien. Ouais. Je sais pas, mais non, c'est... Oui, il y a une sauce spéciale. Oui, c'est bien dit, il y a une sauce spéciale. Ouais. Tiens, j'ai... Est-ce que tu es au courant de la sauce spéciale? Parce que tu as rencontré les ingénieurs. Oui, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que ça ne m'étonne pas parce que c'est des tripeux de malades. Oui. C'est des vraiment. C'est du monde qui mange la photo. C'est pas des ingénieurs. J'ai rencontré le gars qui a fait Classic Chrome. Ils ne sont pas enfermés dans leur bureau à rien faire. Là, c'est des tripeux de photos. Mm-hmm. Cool. Ben, c'est ça qu'il faut. Ouais. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Mm. Oui. Donc, le GFX, c'est ça, c'est la netteté, mais c'est aussi, tu sais, c'est du medium format. Fait que la transition de sharp à flou, le range dynamique, tu sais, que, tu sais, c'est jamais des choses. C'est drôle parce que je m'en fous un peu. Tu sais. C'est le résultat final qui t'intéresse. Ouais, que ça, je regarde, puis my God. Tu, sais. Tu peux pas t'empêcher de pas être impressionné. D'être impressionné, ouais. Par contre. Sur un écran 5K, c'est hallucinant. Je regarde sur mon iPad, c'est cool, mais tu le sens pas de la nouvelle façon. C'est ça, il y a beaucoup de... Je vois des conversations sur Facebook, Fuji Love, puis des affaires comme ça. Pis, écoute, il y a plein de monde qui pense à... Si tu as des sous, tu as les moyens, why not? Mm-hmm. En même temps, j'ai peur qu'il y ait des gens qui soient déçus jusqu'à un certain point. Si, parce, tu peux faire une photo poche avec un Phase. Oui, tout à fait. Oh, oui. J'ai vu des photos de chat avec Phase quand même. Et ça m'a donné une photo de chat avec Phase. Il y avait rien. Je donne le même exemple que je donne souvent. C'est ma cousine qui a pris des cours de photo. Ouais. Puis elle avait un vieux Nikon, je pense, un D80. C'est quand même assez vieux. Puis il y avait un gars dans son cours qui avait une. Ben, dans ce temps-là, c'était une 5D Mark II. Puis lui, il n'a pas réussi une bonne photo. Pas une. Ben, il était super bien équipé. Il avait 10 000 piastres d'équipement, mais c'était débile. Il n'y avait pas l'œil pour 200. Ouais, ben c'est là que ça se passe. C'est la différence. Exact. Et le medium format, ben, c'est aussi... ça demande une autre technique jusqu'à un certain point. J'imagine. Au niveau de la profondeur de champ, c'est ben, c'est par exemple, donne un exemple mettons, concret où... quelqu'un qui aurait un 5D ou un D... je connais moins les Nikon, là, mais... Tu sais, un DSLR. Un D4S, qu'est-ce qui est, peut-être. Ouais, qu'est-ce qui est très populaire, je dirais, versus quelqu'un qui tombe dans le médium format. Écoute, je ne le sais pas, je n'ai pas shooté assez. Il y a le capteur qui fait que ça change la profondeur de champ complètement. Exactement. Donc, c'est quoi? C'est beaucoup plus... Le focus est plus mince à faire? Beaucoup, t'as besoin, d'abord, premièrement, ça pardonne beaucoup moins. OK. Mm-hmm. Au niveau des détails, au niveau de... Fait que ça pardonne vraiment moins parce que tu as énormément de... Pas juste dans le détail, dans le micro-détail, mais dans la couleur, dans tout ça. Ah ouais, OK. Fait que si tu as des color cast, tu vas en avoir en Moses, du color cast, parce que tu en as de la tonalité. OK. Fait que ça, c'est une chose. Et aussi, c'est ça, t'assurer d'être sûr... Écoute, tu peux avoir le bout du cil... Le cil, là, il est au foyer, mais lui, ici, il ne l'est pas. C'est presque macro. C'est vraiment... Oui, oui. T'es très, très... Puis ça, t'es à F4. Oui. Eh boy. Hein. Ouais. Non, parce que moi, je fais beaucoup de photos de produits. Puis je prends mon objectif macro constamment, un 90 mm macro. Puis justement, t'es comme à F4, F5.6, même F8 des fois. Puis là, tu te dis, voyons, je manque de profondeur. Ben j'étais à F8, là. Mais c'est parce que c'est ça, mais là c'est différent. Excuse-moi, un 110, tu dis? Un 90. Un 90, ben ça, ta longueur. Ouais, ben c'est ça. Fait en sorte, c'est ça, c'est aussi, ça. Là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, ben j'étais en full frame, mais déjà, quand tu passes un plus gros capteur, ben là, ça ajoute encore plus à la situation. C'est plus de la profondeur de champ, c'est de la minceur de champ. Oui, c'est ça, la minceur, c'est bon ça. La minceur de champ, de chat, oui. J'invente des termes comme ça. Ben oui. Mais ça va être, écoute, c'est un challenge, puis c'est un, je suis comme bien excité d'exploiter ce médium-là. Oui, j'imagine. Sans jeu de mots, mais mais c'est ça, le gros avantage que je comprends. Pour moi, ça, c'est comme prendre un X-T1, tu sais. Un X-T2. Mm-hmm. C'est le même appareil en plus. Pas tout à fait, mais en plus. Un petit peu plus gros, mais pas tant que ça. Là. Non. Puis t'es pas perdu. Mm-hmm. Donc, et ça réagit. Ça reste un peu plus lent. C'est du contrast detection parce que c'est du medium format. Mais ça réagit. Mm-hmm. C'est pas du 40 images par seconde, là, mais tu dois faire. Ça doit être quand même. Ah, il est 3 frames seconde. Ouais, c'est très correct, vite pour du medium format. C'est ça que j'allais dire. Pour du medium format, c'est bien. C'est pas clic. T'attends, clic, t'attends. C'est parce que de toute façon, là, si tu fais une grosse rafale à 51 mégapixels... Non, il y a ça aussi, là. Tu veux pas faire une grosse rafale avec un jour. Cher de disque dur. Oui. Cher de carte. Oui, j'avoue. À 100 mégas de la photo. Oui, exactement. Non, ça monte vite. 100 mégas de la photo, bon. Excellent. Oui, ça, c'est la chose. Oui, il y a des cartes de 256, là. Oui, qui viennent de sortir. Oui. Parfait. On va passer au petit bloc nouvelles maintenant. Christian, toi, tu nous parles du World Press Photo 2017. Oui. J'espère, avez-vous l'occasion de voir c'était quelle qui était la photo de l'année au World Press Photo 2017? Oui, je l'ai aperçu. C'est l'attentat. Oui, c'est ça. Exact. Le tueur. Honnêtement, c'est toute une photo. Ben, autant tu sais, du côté, comment je peux dire, qu'est-ce que ça représente? Mais le photographe qui l'a pris avait quand même un peu de courage. Je veux pas, parce que la personne a quand même son fusil encore dans les mains. Ouais. Et il semble très instable. Oui, il semble très instable. Mais c'est fort comme photo, là. C'est très absolument fort. Là. Ouais. On est conscient d'ailleurs, puis tu sais, j'ai vu l'original. Elle a été recadrée un peu. Il y a des choses, puis tout ça, parce que je pense qu'elle est un peu plus en diagonale. On s'entend que c'est pas la fin du monde, rendu à ce point-là. Est-ce qu'on peut s'entendre que tu prends pas nécessairement le temps de cadrer parfaitement dans une situation comme ça? On peut lui pardonner un peu. Oui, définitivement. Mais ça, c'est pas grave. Ça l'empêche pas que la photo est quand même très forte, puis très évocatrice. Pour ceux qui l'ont pas vu, bien évidemment, on va la mettre dans les notes de photo. Je sais pas, les 3 personnes en dessous d'une roche là, qui l'ont pas vu. mais sinon, dans le lien qu'on va partager, il y a plusieurs autres. Il y a les deuxièmes prix, troisième prix, aussi dans plein de catégories. Il y en a d'autres quand même assez puissantes aussi. C'est souvent le cas. Là, mais, oui, ça je me demande combien de clichés il a pris, parce que celle qu'on voit qui est gagnante, c'est dans l'expression du gars est forte. C'est vraiment... la rage. Voit tout ça. Il n'est pas en deux... Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment là le moment. Oui. C'est le moment capturé, là, carrément. Moi, je trouve ça... C'est le moment choisi, en tout cas, si on le sait. Oui, c'est ça. C'est vraiment le seul qui a capté. Ça a dû être la rafale, probablement. Je sais que moi, en tout cas, ça aurait été le cas, là, définitivement. Parce que tu veux pas la manquer. Non. Tant qu'à prendre le risque, je veux avoir la photo. J'aurais fait un clic, puis j'aurais regardé ce qu'il fait... 2 clics peut-être, il fait rien, ok, là je vais en rafale. Tu sais, je serais pas parti en rafale. Okay. My God. Ouais, parce que la rafale, là, j'avoue quand même. Ouais. Bon, en tout cas, on va mettre ça, puis on vous suggère fortement d'aller voir ces photos-là. Oui. Il y en a de très, très, très belles. Ben, c'est pas pour rien que c'est des gagnants et du World Press Photo. Très bonnes photos. Non, c'est ça. Oui. Il y en a qui sont moins belles, qui sont fortes et qui sont poignantes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demeure quand même une belle photo au niveau de toute la signification. Une polémique un peu autour de ce choix-là. Hein, que ça fait comme l'apologie de. Oui, en effet. C'est pas inintéressant comme sujet, mais en même temps... Parce que justement, on se dit souvent, les gens qui vont aller commettre des actes, il faut en parler le moins possible. Mm-hmm. Oui, justement, c'est ça. Parce que ça va inciter d'autres gens à faire « Regarde, il est devenu un héros ». Absolument. Absolument. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, mais en même temps, ça ne l'empêchera pas non plus. Oui, mais c'est ça. Ça demeure... C'est ça. Mais en même temps, c'est quoi son nom? Je ne sais pas. Voilà. Des gens partant, c'est un peu un positif. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui vont les prendre comme pour idoles et qui vont se renseigner sur les gens. Moi, ça me. Tu sais, je veux dire, je suis conscient qu'il y a eu l'attentat et tout ça. Là, je vois la photo. Je ne m'étais même pas renseigné au moment où ça s'est produit. Là, j'ai su que, justement, tu sais, la photo figurait parmi tout ça. Là, je suis allé voir la photo, mais je me souviens même pas de son nom parce que c'est pas le genre de truc qui vient m'interpeller, moi. Je sais. Mais les gens qui... Tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête des gens, des fois. Pis... En même temps, c'est ça qui rend... je trouve que c'est intéressant. C'est la différence entre la photo et la vidéo. T'sais. Oui. Je trouve qu'une photo, le fait que ce soit un moment figé, le fait que ce soit hors du temps, c'est beaucoup plus... C'est moins qu'une vidéo, tu sais, quand c'est moins graphique. C'est moins graphique, ouais. C'est moins, tu sais, au niveau émotionnel, c'est... au niveau, ouais, justement, publicitaire. Oui. C'est pas... Puis, comme tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, parce que t'as pas le bout où ce qui tire, puis t'as pas le bout où ce qui se fait tirer. C'est vraiment juste... T'as pas le moment. Son, ouais, tu peux, si la photo, c'est ça. C'est que tu peux la regarder puis l'analyser. Oui. Ouais. Tu sais, c'est un moment que tu regardes. Mm-hmm. Fait que ça n'a pas le même impact. Non. C'est pas le... Tu l'absorbes pas de la même façon. Non. Excellent. Moi, de mon côté, il y a Canon qui lance plusieurs appareils, dont le T7i, bon, qui est la suite presque annuelle, là, T5i, oh, ouais, T6i, clairement. T7i, les appareils d'entrée de gamme, si on veut, les réflexes d'entrée de gamme. Le EOS M6, le EOS M5 commençait à avoir un peu d'allure côté appareil sans miroir chez Canon, parce que... Oui, c'est leur ouais, mirrorless. Oui, c'est ça, c'est leur mirrorless, mais... Canon. Fait que là, ils ont annoncé le M6 déjà. Le M6, ouais. Ouais. Okay. Ils sont timides quand même dans ce qu'ils lancent. Ouais. C'est pas leur marché. Tu regardes justement Fujifilm, Sony, Panasonic, Olympus, ça fait des années qu'ils sont lancés dans le mirrorless. Puis là, t'as Canon. Moi, aussi, Canon aussi, ça fait des années. Ils sont plantés à peu près annuellement de ce côté-là. C'est mais ça fait des années pareil. Mais ils ont un modèle. Un. Ouais. Je l'avais vu, mais ça me surprend même que le M6, parce que j'ai vu le M5 justement en Allemagne à Photokina. Oui. Puis là, il annonce le M6. C'est comme... C'est banal. Moi, c'est très banal. C'est un peu plastique, un peu... Ouais. Tu sais, c'est un PSAM sur le dessus. Le M6, ça a l'air un petit peu mieux. Visuellement, il paraît mieux, mais c'est quand tu regardes les stats, si tu regardes les affaires, tu fais comme, ben, c'est tout. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est décevant. Puis, bon, dans les appareils Canon aussi, il va y avoir le 77D, qui est un peu étrange parce qu'on a eu le 70D, le 80D, puis là, on a le 77D. Ils font comme Nikon. C'est ça. Ouais. Ils changent un peu la nomenclature parce qu'il y a des caractéristiques différentes du 80D, mais ils ne veulent pas, cannibaliser justement le marché du 80D. Puis en tout cas, ils sont allés dans une direction un peu différente. C'est un entre-deux. C'est carrément ça. Et tu vois, on a Canon qui va très timidement. Nikon aussi. Tellement que Nikon annule la série DL. Ouais. Donc là, tu dis, Nikon avait la série 1. Là, il avait annoncé il y a un an exactement la série DL. Puis là, ben moi, je me tenais toujours un peu au courant parce que j'aime ça, justement. Je me dis, enfin, là, Nikon va... Bon, c'était la plupart avaient des objectifs fixes qu'on ne pouvait pas changer. Ça a été une drôle de décision. Ben, c'est peut-être... Ils ont fini par s'en rendre compte, probablement, puis ils ont décidé d'annuler ça, ce projet-là. Ouais, puis ça coïncide avec... un remaniement, tu sais, financier assez majeur chez Nikon. Fait que c'est ça, ils ont coupé dans des trucs qui semblaient pas assez prometteurs. Ouais, tout ça, là. Sans même l'avoir essayé, ce qui est spécial. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de ressources. Donc, c'est... On sait pas où ce qui s'en va. On aime ça, justement, parler quand même de Canon, Nikon, tout ça, parce que, je veux dire, c'est intéressant de voir... Ben en tout cas, moi, j'espère qu'un jour, ils vont quand même faire le saut parce que, je veux dire, t'as beau t'adresser aux professionnels qui ont l'habitude d'utiliser des gros appareils et tout ça et espérer que quand les gens, justement, demandent avec quoi tu shootes un Canon, un Nikon, c'est ça qui fait leur publicité. Tu sais, quand t'arrives avec du medium format au même prix quasiment, oui, là, ben c'est ça. C'est, il me semble que tu te poses la question. Là. Et avec tous les avantages du mirrorless, avec le fait que tu peux mettre n'importe quoi. Tu sais, là, ils sortent des adaptateurs pour toutes sortes de lentilles, encore une fois. C'est sûr que ça va prendre des... mais ça, c'est un des avantages du mirrorless, entre autres, à cause de la distance du... Absolument. Mais c'est ça. Puis le nombre de fonctions que tu peux avoir sur un mirrorless, avec le Zebra, puis le Focus Peaking, puis... Et le fait de voir ta photo... Tu sais, c'est niaiseux, ça. Oui. C'est le genre de choses, moi, que j'ai... Au départ, quand j'ai acheté, je parlais du X, hein. J'ai acheté ça, puis je voulais rien savoir du AVF. C'était poche. Au début, c'était l'enfer. Moi, il me montre ça la première fois, puis je fais comme ça lag. C'est la première chose que j'ai dit. Je suis pas capable. Je veux rien savoir de ça. Ça, ou comme j'ai souvent parlé, c'est quand il laguait, juste quand la luminosité était basse, là, ça devenait... C'était un slideshow. Oui, c'est ça, exactement. Compensait par le shutter. Ils ont fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. C'est pas comparable. Mais non, c'est ça. Puis là, t'es rendu que tu l'as en temps réel, puis c'est la même chose. Puis là, en plus, tu vois justement, ton white balance, ton exposition à temps réel, tu vois tout. Tu vois ta profondeur de champ. Ta profondeur de champ, ben oui. Tu n'as plus de, tu sais, OK, stop down pour voir, ah oui, OK. Tu vois absolument tout. Ouais. Et ça, quand tu commences à utiliser ça, de plus l'avoir, c'est comme impensable. Non, c'est déstabilisant. C'est vrai. Bon, ça fait le tour des nouvelles Canon et Nikon pour le moment. Ah, ben Christian, tu avais une nouvelle, toi, au niveau de Sigma. Vite. Ben, ça avec, tu sais, on en a parlé beaucoup des objectifs Sigma, comment il y a eu un progrès incroyable. Ben là, il y en a 4 nouveaux. Ah, intéressant. Un 14 mm à f1.8, pour être intéressant définitivement là-dessus. Là, si on voit la qualité visuelle qu'on a eue avec les autres, tout ça, là, je vois tout à fait un potentiel pour cet objectif-là. Un 135 mm à f1.8. Ce qui est le plus intéressant et le plus étonnant, c'est qu'on a un 24-70 avec stabilisateur d'image à 2.8. Oui. C'est pas ce que c'est qu'aux les rues, disons, les 24-70, généralement, n'ont pas de stabilisateur d'image. Il y a beaucoup de monde qui en veulent. Mm-hmm. Et voilà, on en a un finalement. Ah. Moi, en tout cas, je ne suis pas pour vous autres, là, mais moi, c'est le genre d'affaires qui m'intéresserait énormément. Là. Mm-hmm. Puis le dernier, ben, c'est un 100-400 f5 à 6.3. Fait que bon, c'est un plus un téléphoto. Moi, ça me parle un peu moins, là, mais tu sais, je vois qu'il y a quand même un marché pour ça. Puis, peut-être un petit côté de bien que j'ai vu. Bon, ceux-là, c'est Nikon, c'est Canon et Sigma, mais il y a de plus en plus de rumeurs que ça s'en vient sur Sony. Ben oui, hein. Ben Sigma, en fait, l'adaptateur, en tout cas pour le. C'est ça, le 35 mm 1.4 que j'avais essayé l'autre fois de la série Art, c'est parce que la bague pour Sony venait de sortir. OK. Fait que. Mais il semblerait que ça s'en vient, là, de plus en plus d'objectifs. Ouais, parce que là, s'en viennent sur Sony. En ajoutant une bague, on s'entend qu'on perd de la vitesse sur l'autofocus. Puis sur le Sony A7, c'est pas très rapide en partant. OK. Fait que, tu sais, il y a détection de phase et contraste, mais c'est pas. Ça dépend où ils sont placés. C'est pas un Fuji. J'ai même pas eu le temps de le dire. C'est pas un Fuji. Et voilà. Là, faut être réaliste. Non. Ben, c'est ça. En tout cas. Mais bon, ben, c'était intéressant de voir justement. Moi, j'en reviens pas, ils sont vraiment en feu. Sigma de ce côté-là, il y en a de plus en plus vraiment. Là. Bon. Il me semble qu'il y a quelques années, il était quasiment moribond. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, excellent. François, de ton côté, t'as un petit. Les selfies n'ont pas dit leur dernier mot. Là, non. Et boys, je sais pas si vous autres, vous aimez ça, faire des selfies. Pas tant, non. Ben, je suis désolé de vous dire que c'est loin d'être fini. Parce que. J'en doute pas. On amène une nouvelle façon de s'afficher. Une nouvelle technologie. Oui, exactement. Ça veut vraiment pas mourir. Si on a une photo de nous qu'on adore, eh bien, on peut carrément l'envoyer chez Vermont Novelty Toaster Corporation, qui vont, eux, fabriquer un toaster qui va imprimer ta face sur ta petite toast le matin. Un grille-pain avec un selfie. C'est beaucoup d'égo, ça, quand même. Oui, oui, tellement d'égo que tu peux te manger à la face. Tu peux peut-être faire un selfie sur un égo, une gaufre égo. Oui, ça existe. Un égo portrait. Ça, j'ai vu une gaufrière qui mettait. Il me semble que j'ai vu quelque chose là-dessus, je suis certain. Écoute, c'est excellent. Mon portrait, je dis pas, non, ça m'intéresse pas bien gros, mais il y aurait des affaires, je sais pas, moi, tiens, un Mario en 8 bits sur sa toast qui pourrait être déjà plus intéressant que ça. Mais oui, non. Ben, c'est possible. Mais non, quand même. Effectivement. Ils vont te fabriquer un template, je sais pas comment dire ça, un modèle pour faire ce que tu veux. Ça va coûter 75$ US, ça comprend le toaster. Ah, le toaster, quand même. Oui. Bon, je vois des idées de côté promotion, peut-être avec ça, mais bon, je veux dire, sinon, c'est assez... C'est limité. Mais je sais pas, moi, je vois une belle exposition. Tu sais, tu mets des toasts dans des cadres, ça pourrait être drôle. Le problème étant que t'es limité parce que t'as rien qu'un modèle, mais bon. Ouais. Non, alors, moi, je vois peut-être ça... avec des toasts de couleurs différentes. Moi, je vois ça pour un mariage de luxe où le petit cadeau aux invités, c'est un grille-pain avec le selfie des mariés. Ah oui. Oh boy. Fait qu'à chaque regarde, matin... on peut pousser, tu peux le retour d'Andy Warhol, tu sais, tu fais une exposition genre ça se peut. Oui. C'est possible. Absolument. Des photos buzzées sur le toaster, c'est quelque chose qui, tu sais. Bon, fait que c'est étrange. C'est pas fini ou c'est peut-être là que ça va se finir, mais en tout cas, on l'espère un peu disons de ce côté-là là. Parfait, merci François pour cette nouvelle loufoque. Parce que François, c'est l'expert dans les genres de trucs. Il a déjà fait un courrier du cœur à un moment donné. Ah, c'était magnifique. Oui. Il parlait de photos, là, c'était vraiment. Je reçois des emails à chaque semaine pour le refaire. Oui. Je me laisse désirer. C'est pas un gars facile. Non. Christian, on passe à un petit topo. Justement, Christian, tu vas nous donner des trucs pour prendre des photos de gens qui portent des lunettes, des verres. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais ça j'ai aucune idée. Je te regarde, puis j'ai non, aucune idée. Non, toi non plus, hein, ouais, Stéphane, tu sais pas de quoi je parle. Non. Bref, vous avez tous eu à vivre cette situation où on prend quelqu'un avec une belle photo, puis ça, puis tu regardes ta photo, puis tu dis « ouais ». Bon, j'ai deux belles lignes blanches. Des reflets dans les yeux. Alors, comment faire pour les éviter? Première chose, la plus facile, il faut chercher la lumière. D'où ce que vient votre lumière? Je pensais que tu allais dire enlever les verres. C'est facile. C'est vraiment je fais ça. On n'est pas rendu encore, mais oui, ça y est. Mais oui, c'est donc, la première chose à savoir, ben, pour éviter d'avoir de la lumière dans vos lunettes, il faut savoir d'où elle vient. Mm-hmm. Donc, la deuxième. C'est quoi que vous voulez faire comme photo? Est-ce que vous voulez faire une photo qui raconte une histoire ou est-ce que ça doit être du journaliste? Le journaliste, on s'entend que tu prends ce qui passe. Mm-hmm. Si tu veux essayer de faire une histoire, que tu veux conter quelque chose, ben c'est là que tu vas pouvoir la planifier, faire ce que tu veux. Fait que c'est là que tu prends ton temps pour mettre les choses en conséquence pour ne pas avoir idéalement de reflets dans tes lunettes. Je ne sais pas si le gagnant du WordPress photo aurait quand même gagné si le type portait des lunettes et qu'on avait vu des reflets dans les verres, tu sais? C'est une bonne question. Non? Non. Non. Non. N'importe quoi. Bref, on va continuer comme si tu n'avais rien dit. Je peux le couper au montage. Non. Bref, la première façon pour éviter le problème, on a juste à pencher la tête un petit peu. Mm-hmm. C'est une façon élégante, simple et rapide pour faire le truc. C'est pas toujours parfait parce que ça donne pas toujours le résultat que vous voulez, mais ça peut être une solution. Il y a également, on peut mettre un chapeau, on peut mettre une casquette par-dessus. Si bien entendu, votre lumière vient d'en haut, si elle vient d'en bas ou ses côtés, ça vous donnera pas grand-chose, mais ça peut être une solution dépendant, encore une fois, d'où vient la lumière. Et il faut faire attention, par contre, aux ombres que la casquette ou le chapeau peuvent créer sur les yeux, par contre. Définitivement. Ouais. Fait que ça aussi, c'est à prendre en conséquence. Ta suggestion fait évidemment partie des suggestions. Enlever les lunettes. Ben, je savais qu'elle était bonne. C'est une bonne suggestion. Mais c'est juste que dans certains cas, comme moi qui porte toujours mes lunettes tout le temps, ça fait étrange de ne pas les avoir. Okay. C'est un petit peu bizarre. Là. Non, moi, ma copine, elle trouve ça drôle parce qu'à chaque fois, elle dit « Ah, je vais prendre une photo. » Puis là, j'enlève mes lunettes. Puis elle dit « Bon, encore. » Mais oui, mais c'est bien plus simple comme ça. On n'a pas à se placer. « OK, tourne-toi. » Puis « Tu veux prendre une photo? » Ça va prendre 2 secondes. J'enlève mes verres puis c'est fini. Exact. Ouais. C'est... un autre, celle-là, je l'ai trouvé particulière, mais c'est un bon truc, mais c'est planifier votre affaire comme il faut, c'est de mettre les lunettes en angle. Les lunettes en angle. Ce qui est à dire que, exemple, tu les relèves un petit peu comme ça, tu sais, vers le haut, les branches vers l'arrière. C'est sans particulier que ça, parce que. Ça paraisse trop. Ouais. Disons que il faudrait que je le teste. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais il ne faut pas que tu exagères avec celui-là parce que malheureusement, ça va donner l'air à la personne peut-être plus vieux ou ça peut donner étrange, mais peut-être, tu sais, comme 1 ou 2 degrés pourrait peut-être faire une différence. Disons que je ne suis pas sûr, peut-être moi non plus. Peut-être si tu as essayé des trucs, ça ne fonctionne pas, il te reste ça. Ça vaut peut-être la peine d'essayer, exact. Les enlever, c'est ça, je l'ai dit. Des lunettes de soleil. Peut être aussi une option quand on est au grand soleil et tout ça. Je sais que moi, je l'ai utilisé quelques fois avec ma blonde, autant la neige, parce que la neige avec les reflets et tout ça, c'est assez atroce. De toute façon, sinon, la personne va plisser des yeux, exact. C'est pas plus élégant. C'est pas nécessairement la réponse parfaite, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a, des fois, à un certain moment donné, il faut juste abandonner et dire, il y en a, c'est pas grave. On vit avec. Ta photo, elle peut être très bonne, même si tu as un peu de reflet dans tes lunettes. Si tu as fait ton effort pour essayer de les diminuer, tout ça, c'est pas grave. Mais tu sais, ton premier point, c'est le meilleur, tant qu'à moi. Là. C'est d'être conscient de la lumière. Exact. T'sais. Il faut toujours être conscient de la lumière. Si tu t'arranges que la lumière soit de côté un peu, la personne tourne sa tête une petite affaire, puis tu n'as plus de reflet. Là. Ouais. C'est sûr que ça dépend des... T'as pas tout le temps le contrôle. Là, mais... On peut aussi enlever les verres. Oui, c'était mon prochain. Ah, oh, excuse-moi. Je t'ai scoopé. Oui. Enlever les verres. Ça, il faut que tu sois motivé. Oui, pas qu'à moi. Garder la monture, mais enlever les verres pour voir, en tout cas. Bon. Tu sais, quelque chose de professionnel, tu voudrais faire, ça pourrait être une option, peut-être. Justement, toi pas, qui dis que tu portes toujours tes lunettes, tu veux pas avoir une photo différente, mais il y a mais, pas mais moyen. Mais quand même, ça va paraître pareil malgré tout. Ben c'est oui. juste ça que je... Surtout moi, j'ai quand même des verres qui sont assez épais, fait que tu sais, ça change. L'œil n'est pas le même. Là, c'est exactement. Ça. Fait ouais. que je sais pas. Puis, en tout cas, c'est ça. Peu importe qu'est-ce que vous faites, le meilleur truc, puis ça va toujours rester le même, c'est prenez votre temps. Fait que c'est pas le genre d'affaire que tu vas la faire à la va-vite si tu veux un bon résultat. Prends ton temps, vas-y, planifie tes affaires, puis c'est toujours là que tu auras tes meilleurs résultats. Ouais. En tout cas, selon moi. Mm-hmm. Puis c'est ça. Excellent. Merci. De rien. Et on passe au bloc suggestion de la semaine. Tiens, François, t'as quelque chose d'intéressant, toi, d'original? Oui, oui, de super cool que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui a décidé de faire une chanson techno-minimaliste, là, disons, pour on va dans le genre de techno. Là, c'est très, très, très minimaliste, avec des bruits puis des sons de caméra. De déclencheurs. Déclencheurs. Des miroirs qui bougent. Oui, de flash qui ressort d'appareil. Fait qu'il a fait une panoplie de sampling de tous ces petits sons-là. Il a fait une chanson avec... Une chanson avec ça. Une pièce musicale. Puis, c'est pour ceux qui aiment le genre, c'est super bon. Pour vrai, là, c'est vraiment un bon petit beat intéressant. Puis, ce qui aide à ça, c'est qu'il a filmé aussi, c'est la prise de son. Donc, on voit dans la vidéo, un peu à la façon qu'on a vu dans d'autres clips, tu sais, une toune qui est faite avec plusieurs personnes à travers le monde, là, tu vois que ça forme une mosaïque de faces Bon, ben c'est la même chose qu'a fait lui avec ses sons, qu'il a pris avec sa caméra, avec son drone DJI, avec, genre, le drone, il fait un petit bruit quand tu l'allumes, ça fait tu sais, fait que là, dans sa toune, il y a ça qui revient, c'est super intéressant, c'est bon. Ouais. En fait, c'est très créatif. C'est ça que je dis aussi, bon. C'est très créatif. Voilà, on s'entend. Ouais. Alors, on va mettre le lien dans les notes d'épisode. Toi, Christian, de ton côté? J'ai vu passer, c'est l'astronaute français Thomas Pesquet. Je ne sais pas trop comment prononcer le nom. Je suis désolé pour les Français qui nous écoutent. Il est dans la Station spatiale internationale en ce moment, puis il prend des photos assez intéressantes, puis il explique comment il s'y prend pour prendre ses photos. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de trépied là, dans la Station spatiale. Mm-hmm. En effet. Pourquoi tu veux un trépied? Non, j'avoue, mais tu sais, ça prend quand même une certaine planification, encore une fois. On en revient toujours à ça, pour faire ses photos. Puis c'est dans l'article explique comment il s'y prend pour le faire. C'est assez détaillé, assez bien fait. Donc, question utilité, ça risque d'être limité parce que je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui vont aller en l'espace dans nos auditeurs, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils s'y prennent. Absolument. Et toi, Stéphane? Je voulais juste préciser, c'est une suggestion de Maxime Soriol, notre recherchiste officieux. Non officiel, mais quand même, il nous envoie souvent des trucs intéressants. Moi, de mon côté, c'est ce qu'on appelle en anglais une cheat sheet, une espèce de... C'est un lien que je vais vous donner où il y a une image qui vous donne tous les raccourcis dans Photoshop et dans Lightroom. Ah, intéressant. Qui vous dit... C'est encore plus intéressant si Lightroom pouvait nous permettre de faire nos shortcuts. Oui, mais ça, ça serait bien. Hein. Mais bon. Après cette version. Ben, là, tu devrais devenir ambassadeur. Non, pour, je ne serais pas un bon ambassadeur Adobe. Toi aussi, tu es un fan. OK, je vois. Ben, il parlait d'écran 5K, il y a forcément un Mac. Hein? Oui, c'est effectivement. Ça, voilà. Moi, j'ai juste un écran 4K parce que je suis sur PC. Fait que... le 1000K plus. Toute la différence. Mais non, pour vrai, c'est vraiment intéressant pour justement, puisqu'on ne peut pas faire nos propres raccourcis, ben il faut connaître ceux qui sont en place puis avoir cette espèce d'image-là. On peut se garder ça dans un onglet ou à la limite l'enregistrant JPEG ou je ne sais pas trop. Puis on a vraiment la liste des raccourcis et pour Mac et pour Windows. Puis ça donne vraiment... c'est une liste assez exhaustive. J'en doute même pas. Ben oui. Ouais. Et bien, ça conclut ce 103e épisode. Ça passe vite, hein? Définitivement. Ouais. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci, Steph. Merci, Patrick. Ça m'a fait plaisir. C'était bien fun. Oui, vraiment... ça faisait très plaisant. Oui, ben, on a eu des invités à la 100e, on avait eu Maxime aussi, mais bon, il faut qu'on se remette à avoir plus d'invités aussi, là, de façon régulière. Mais il y a Rémi Saint-Onge peut-être qui va revenir. Parce qu'il devait revenir au 104e parce qu'il était venu au 4e épisode. Mm-hmm. Il dit, bon, 100 de plus, tu sais. Mais bon, le timing n'est pas vraiment là. Peut-être 105, 106, ou en tout cas, bientôt, il va revenir. Ça va être assez proche, pareil. C'est pas grave. Ouais. Ah non, mais il fait de la superbe photo. Puis il y a beaucoup de projets aussi. En tout cas, je me rappelle encore de ces photos qu'il a prises à Chandler pour Moment Factory ont fait leur nouvelle installation dans ce coin-là. Là, c'était écœurant, photo-là. Vraiment. Non, c'est ça. Mais je veux qu'il nous parle de ses projets de Moment Factory aussi. Là, ça peut être fort intéressant. Tout à fait. Eh bien, merci aussi, chers auditeurs, d'être toujours fidèles à l'écoute. suite. Au prochain épisode, justement, je vous parle du ZTE Axon 7 Mini. On parle d'un site pour calculer le facteur de rognage. On parle d'un drone lapse, un nouveau terme. Et tiens, je vais vous donner des trucs pour garantir une bonne exposition. Alors, d'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.